salam! Je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru! Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Ce soir, il n'y a rien qui va. Tout fout le camp ou se casse la gueule. C'est le Memento de la loose. On vous a préparé plein de chansons qui rendront peut-être tous vos moments de foirage un poil moins supportables, voire peut-être drôles, parce que parfois ce sera aussi les moments d'échec des autres. Au final, comme si la musique nous faisait sentir sa compassion vis-à-vis de nos emmerdes. Et c'est sympa. Mais pour affronter les difficultés de la vie, nous ne sommes pas seuls en studio avec Nicolas, puisque nous avons Tim, alias Marcel Merco-Benz, Marcel Bagnol, en studio avec nous. Bonsoir, Tim. Bonsoir. Tu vas bien? Très très bien, malgré la loose. Malgré la loose. Tu sais mettre l'ambiance en tout cas, Arthur. Je mets la loose. Justement, le Memento de la loose, c'est tout de suite sur Radio Panique avec Purcell. Funeral Sentences for the Death of Queen Mary II. C'était Purcell, notre ami Purcell, qui a composé ça en 1695 pour la mort de la reine Mary II, Marie II. Voilà, parce que mourir, c'est la loose. J'avais pas trop d'autres explications que ça. Je trouve que ça marchait très bien. Je trouve ce morceau magnifique et très, très solennel. Et j'aime beaucoup. Voilà. Tim, tu as une proposition légèrement différente pour la suite. Oui, mais d'ailleurs, un petit mot rapide sur Purcell, parce que je connaissais... Personnellement, il habite Scarbeck. Non, parce que moi, je savais qu'il avait joué dans Prison Break, Dominique Purcell, mais j'ignorais qu'il était également compositeur. Donc, franchement... Au XVIIe siècle. Bravo, ouais. Dominique Purcell, tu as double carrière et que des succès. N'est-ce pas? Que des belles, donc, que des belles choses. Donc, on t'embrasse, Dominique Purcell. Et moi, je vous propose un morceau de Emil and the Sniffers, un groupe australien de Melbourne, avec le titre qui s'appelle I'm Not a Loser. Donc, c'est une contre-lose. Voilà, j'ai sorti ma carte contre-lose pour commencer. Un morceau, ma foi, tout péchu comme il faut, au pays de l'Australie, avec Emil and the Sniffers, que vous retrouvez également avec les Viagra Boys, et avec Sleaford Mods, donc une meuf qui est tout à fait respectable. Un peu dans tous les bons plans du moment. Avec de très bonnes fréquentations. Bonnes ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'ils boivent plus de bière que nous, ces gens-là. Mais voilà, ça va réveiller un petit peu après cet excellent titre de Dominique Purcell. Voilà. I'm not a loser. All this happens when I need those eyes that cover me entirely. I want my body to feel free. Candid conversations, lines are gently fading. If only I could understand what it takes for my longings to settle, 'cause they're blazing inside. And I ask myself, what's the point of craving? I might as well be doing nothing. My time is spent being your host. I love it feels so inconvenient. I keep on reeling in confusion. And my baby's hypnotizing. Oh, I don't know what to say. Don't even know my name. I want the highs. Ooh, bring me alive. It's all I need. All I wanna feel. I might as well be doing nothing. If you're not there, I might as well. As all my time is spent being your home. Inconvenient, Amy. Nicolas, c'est du belge. Exact, et ce qui m'en vient à expliquer pourquoi ce titre dans la thématique de la loose, parce que c'est pas la première fois que je passe un artiste belge qui se retrouve être un artiste flamand, et parfois je me dis qu'au final c'est un peu la loose et qu'on n'est pas né du bon côté de la frontière linguistique. Mmh. En tout cas, artistiquement parlant, je dis pas qu'il y a rien de bien, au contraire, et d'ailleurs je pense qu'il y en a un ou l'autre d'entre vous qui va me contredire tout à l'heure, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Amy Caboret de son nom, elle a à peine 21 ans, il y a déjà 3 ans, il y a un concours assez connu du côté flamand, justement le Humorock Rally. Mmh. Je pense que la finale d'ailleurs c'est à l'ancienne Belgique ou quelque chose comme ça. En tout cas, à l'époque c'est vraiment là-bas. Genre mes collègues flamands qui suivaient ça, enfin genre c'est vraiment le truc, le, ça, comment dire, ce concours met toujours en avant le nouveau groupe à écouter. C'est genre c'est pas la nouvelle star quoi. C'est vraiment un truc. Il me semble qu'il y avait Camino qui avait gagné il y a quelques temps. Ouais. C'est que des trucs très cool. Dirk que je souhaitais passer mais que finalement j'ai skippé était au l'Humorock Rally également. Voilà, donc Amy Cabaret y est passée il y a 3 ans, elle a fini 3e, et on disait d'elle, j'ai lu un commentaire que je trouvais ça drôle, et ça rejoint le thème de la loose, c'est que quelqu'un disait, à 18 ans, Amy sait mettre davantage de sentiments, de vie et d'urgence dans sa voix que les 8 dernières chanteuses d'Overphonique réunies. Je trouvais ça d'une violence, et en même temps, à recevoir, ça doit être très agréable si tu n'es pas une des 8 chanteuses d'Overphonique. Oui, c'est un peu violent, oui. Voilà, j'ai adoré, j'aime beaucoup ce titre, Amy Inconvenient. Magnifique. Ça te va comme un gant. Arthur ? Eh bien, après la pluie belge, moi je vous emmène au soleil pour kiffer la loose au soleil. On sent que dans ce morceau de Austin Coas, je le prononce sûrement très mal, mais je vais pas me risquer à parler en portugais parce que je sais pas parler portugais. Et donc sur ce morceau, Lamento as Aguas, on sent qu'il y a un truc qui va pas, mais en même temps il y a aussi quelque chose qui donne un peu d'espoir. C'est beau, ça donne envie de se... Voilà, ça donne envie de se foirer, d'avoir un bel échec, mais à la plage, au coucher du soleil, tu vois, un petit truc comme ça. Et donc, Lamento as Aguas, c'est la lamentation de l'eau, et donc c'est les Brésiliens de Austin Coas, c'est un groupe des années 60-70 qui a fait plein de trucs beaucoup trop bien, dont Deixa Gira Gira, qui est ce magnifique truc qui a été repris des milliards de fois, qui est vraiment trop bien. Et là, ils chantent en Yoruba, qui est une langue originaire d'Afrique de l'Ouest, qui a émigré avec la départation des peuples africains vers les Caraïbes, avec l'esclavagisme, et donc vers les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Et voilà, ça donne Austin Coas, Lamento as Aguas. La douceur mélancolico-triste au soleil. C'était la douceur de Austin Coas avec Lamento as Aguas. Et je laisse la parole à Nicolas qui a également un petit morceau à nous proposer, tout en mélancolie et en douceur également, je crois. Exactement. Un peu comme Arthur, de cette loose, mais au final, mélancolique où on sent qu'il y a voilà, c'est un échec mais au final il y a des bons trucs à retenir quand même. Et ben là c'est un titre de Ben Mazuet ici de son dernier album qui est sorti fin de l'année passée je crois, fin 2020, il s'appelle Paradis. Le titre Tu m'auras tellement plu, c'est un titre un peu autobiographique et qui continue sur sa lancée de chansons autobiographiques sur ses albums précédents et même sur cet album-là. Il parle beaucoup de ses histoires d'amour, d'histoires de famille, etc. Où il parle de la femme idéale, il parle 10 ans de nous, de son histoire avec sa femme, avec ses deux enfants, etc. Et dans ce titre, c'est la fin d'une histoire un peu la loose, un divorce. Avec sa femme, où il regarde un petit peu dans le rétro, voir ce qui s'est passé. Je trouve cette chanson vraiment magnifique dans son écriture. Ben Mazuet écrit pour beaucoup de monde. J'ai vu un petit peu, il y a du Axel Red, il y a plein de gens. Je crois que je l'ai dans le coin de l'œil. Oui, il y a Pomme, Grand Corps Malade. Je vois Benjamin Sixou, Arcadian. Bref, pas mal de monde. Et bah, il le fait très bien pour lui-même aussi. Cette espèce de loose mélancolique, vous allez voir les arrangements, je les trouve très très bien. Il y a beaucoup de voix, des moments avec beaucoup de plénitude, puis des moments un peu plus puissants, vraiment très bien. Bah, on l'écoute et profitez-en, vous allez voir, c'est très chouette. Très triste, mais très chouette. Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas à écrire ce que nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes les ruines du plus beau combat. Les restes d'un amour énorme, les restes d'un amour énorme. Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas? Y'a des chagrins qui te choquent, te sonnent, te choquent, te sonnent. La folie rôde autour de ces émois. Sur les restes des amours énormes, c'est fini. Sur les restes des amours énormes, c'est fini. C'est fini sans vainqueur, sans vaincu. Sauf le cœur et le cul et les nerfs qui accusent le coup. Tant la guerre a duré, tant la guerre a duré. Et le début de la fin, c'était il y a des années. On s'est bagarré, c'est bien, maintenant faut laisser aller. Allez, allez, allez, allez. C'est foutu, c'est fini. On a perdu, j'ai compris, on se sera bien battu. Tu m'auras tellement plu, on aura tellement ri. C'est foutu, c'est fini. On a perdu, j'ai compris, on se sera bien battu. Il restera de petits gars qu'on a fait passer à travers le bruit des disputes. S'ils comprennent pas, et je doute de ça. On tâchera d'être tendre avec nos mots d'adultes. On leur dira qu'à deux, on se rendait malheureux. On leur dira que l'un sans l'autre, on fera beaucoup mieux. On leur dira qu'à deux, on se rendait malheureux. On leur dira que l'un sans l'autre, on fera beaucoup mieux. Abîmé par des phrases, abîmé par des gens, abîmé par l'argent et le temps qui écrase notre histoire. Pourtant, est une immense victoire. Abîmé par des phrases, abîmé par des gens, abîmé par l'argent et le temps qui écrase notre histoire. Tu m'entends? Pourtant, est une immense victoire. Mais c'est foutu, c'est fini. On a perdu, j'ai compris, on se sera bien battu. Tu m'auras tellement plu, on aura tellement ri. C'est foutu, c'est fini. On a perdu, j'ai compris, on se sera bien battu. Tu m'auras, yes, le micro est ouvert. Tu m'auras tellement plu, notre cher Ben Mazuet, avec son album Paradis, qui bizarrement est un album pas si paradisiaque que ça, parce que, ok, ça parle de la Réunion, mais ça parle quand même surtout de son divorce et de sa séparation. Donc, c'est en fait, c'est pas que un morceau, c'est genre tout l'album est plus ou moins l'échec et ce qu'il en fait. Par contre, c'est pas que négatif. Mais voilà. Hashtag bonne ambi. Voilà, voilà, voilà. En parlant de bonne ambi, Tim, je crois que tu as une proposition qui est peut-être un peu plus bonne ambi. C'est un peu notre joker bonne humeur, en fait, Tim. On a bien fait oui. Entre le Purcell, Ben Mazuet, on n'aurait peut-être pas passé une bonne soirée. C'est vrai. Je suis là pour ça. Vraiment, je suis venu. Là, c'est une sorte de double lose et en même temps bonne ambi, donc c'est un combo vaut 3 points. Joli. C'est un morceau de Chester Remington. Alors attention, il faut connaître la petite blague et moi je l'ai deviné toute seule, mais je pense que c'est un jeu de mots avec Chester Bennington, le chanteur suicidé de Linkin Park. Ouais. Et Remington, la marque de revolver. Ok. Voilà. Ouh, il faut l'avoir. Hein. Oui. Mais, faut l'avoir. Mais c'est le classique des westerns. Joli, et donc, joli. C'est une reprise d'un morceau, et c'est pour ça que je l'ai pensé à la loose également, un morceau qui est vraiment mauvais, des années 90. Je crois que c'est un morceau de 97, ouais. À l'année de Wes. Moi, je... Là, comme ça, ça ne dit pas forcément quelque chose aux gens, le nom. Non. Mais le refrain, mais si je vous fais un petit. Un morceau qui est quand même relativement un peu nul et qu'on moi a un peu oublié. J'adore ce morceau. Ma sœur l'a fait dans un atelier où elle faisait chanter les gens et tout le monde était là dans la cour. Et bah, trop bien. Voilà, bah, trop, je propose une version qui ne ressemblera pas du tout à la chorale de ta sœur. C'est très bien, c'est très bien. Puisque c'est une version post-punk par Chester Remington. Et voilà, moi j'ai découvert ce morceau hier parce qu'il est sorti hier. J'en suis tombé follement amoureux parce que j'adore les reprises de morceaux relativement kitsch. Issu de la compile Anti-Covid Covers, parce qu'en fait il lève des fonds pour la Croix-Rouge, je crois, ou quelque chose comme ça. Trop bien. Donc, c'est très très chouette, c'est une compile gratos, mais vous pouvez donner de l'argent. Et voilà, moi je suis un grand grand fan des morceaux un peu nuls, un peu oubliés des années 90, repris par toute la scène post-punk franco-belge. Il y a également It's It Anita sur cette compile, et joli. Plein de groupes normands et autres que j'adore. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais je vous invite à écouter À l'année de Wes, repris par Chester Remington. Chester Remington avec cette reprise de Wes à l'année. Merci Tim pour cette petite... j'en panique et je retourne le clavier. Double lose. Enfin, c'est le thème, écoute, je fais ce que je peux. Hein. Non, mais merci beaucoup. Arthur, choix suivant pour illustrer quoi ? Alors, moi, j'avais cette musique qui était... où je me suis dit... Comment, allez. Illustrer un certain mal-être. Voilà, exact, c'est exactement ça. En fait, on m'a fait écouter ça dans la voiture en allant à l'abbaye d'Orval, si vous voulez tout savoir. Et en gros, j'ai trouvé ça magnifique et je trouvais que c'était vraiment la musique de la loose. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus je me suis dit, en fait, c'est vraiment la musique pour. Genre, t'as vraiment une tuile phénoménale et c'est tellement pourrave que tu finis par en rire et par prendre ça avec philosophie et par danser. Je sais pas, je me voyais danser très calmement, tout en douceur, danser ma loose comme ça, sur cette musique de Johann Sebastian Bach. Je veux bien que tu ouvres la conduite, Nico, pour que je puisse dire exactement le titre. Je sais que c'est une sonate de violon numéro 1, je pense. C'est en sol mineur. Ouais. Exactement. J'ai pas besoin de l'ouvrir au final, tu connais. Voilà, pour danser la loose avec grâce et détachement. Johann Sebastian Bach, c'est génial quand même. Sacré Johann. Il est 21h sur Radio Panique. L'église de Radio Panique de Saint-Josse nous le dit. Vous êtes toujours dans le Memento spécial loose. J'espère que vous avez bien dansé au ralenti votre loose. Nicolas, pour la suite, après le grand Johann Sebastian Bach, il y a un nom que j'ose même pas dire. Peut-être il faut laisser le son parler. Oui. Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications. Ce qu'elles ont voulu, maintenant elles l'ont. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chats à fouetter. De conseils d'administration, de longs dîners en réunion. Passer en coup de vent chez le coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur. Elles rentrent épuisées tous les soirs. La télé, elles veulent plus la voir. À peine la coupe d'un magazine et un cachet qui les assassine. Je hais cette époque. C'est vrai. Je hais. Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. On n'a plus aucune liberté. Rappelez-vous les années 70-80, on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire, on pouvait. Le théâtre marchait, les affaires marchaient. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment, quelquefois bien, mais très souvent, c'est des abrutis. Qu'est-ce que je vous dis ? Ils nous prennent pour des cons, quoi. On peut plus rouler vite. Alors qu'avant, on mettait 6 heures pour aller à Marseille, c'est aucun malaise, c'était bien. J'ai failli écraser 3 trottinettes, moi. Des mocassins en croco, une moustache et une fuego, Saint-Michel. Yeah. Un blouson en cuir marron, téléphone au ceinturon, Saint-Michel. Yeah, yeah. Saint-Michel. Saint-Michel. C'est le roi de tous les ouragans du ciel. Flash. Saint-Michel. Saint-Michel, vivement l'hiver pour remettre l'anorak bleu ciel. Un pantalon en velours et des yeux qui sentent l'amour, Saint-Michel. Une nuque longue qui fait rêver, des lunettes en verre fumé, Saint-Michel. Classe, Saint-Michel. Saint-Michel, il a déjà connu des filles, il s'en rappelle. Saint-Michel. Saint-Michel, il dirait pas non pour un rapport sexuel. Mais attention car ce soir, c'est la fête de Michel. Pour l'occasion, tous ses amis, ils lui ont offert rien. Mais c'est pas grave car Michel, il a besoin de personne. Et ce soir, il va danser, au cas où, bien. Une démarche de joli cœur, une petite claque sur l'âge du videur, c'est Michel. Ah celui-ci, le videur lui rend sa claque. Michel est un peu patraque, Saint-Michel. Ouh là là. Saint-Michel. Saint-Michel. Il rentre quand même par la porte des poubelles. Flash. Saint-Michel. Saint-Michel. C'est le démon de la danse qui l'appelle. Sur la piste, tout le monde le mate. Il fait peur quand il s'éclate. Saint-Michel. Bah dis donc. Qui sait quand il fait du smurf? Fait rigoler les meufs, Saint-Michel. Aussi. Saint-Michel. Saint-Michel. Tout le monde pense que c'est pour de faux, mais c'est réel. Saint-Michel. Saint-Michel. Tout le monde pense qu'il est bourré, alors que oui. Mais attention, car ce soir, il est pas seul sur la piste. Y'a une fille qui danse comme lui. Mal. Et cette fille, Saint-Michel, il lui a tapé dans l'œil. Non mais vraiment car Michel lui a fait mal. Une histoire qui commence bien à l'hôpital des 15-20, c'est Michel. Ça va? Dans la salle des urgences, qui reprend son pas de danse, c'est Michel. C'est Michel. Et Michel. C'est la plus belle des histoires depuis Noël. C'est Michel. Et Michel, ils vivront à Tahiti ou en Moselle. On sait pas, c'est Michel. Et Michel, le mariage ce sera Bondy ou Ramatuel. C'est Michel. Et Michel, leur enfant ce sera Philippe ou bien Michel. C'est pas Philippe, c'est pas Michel, c'est bien Nicolas qui nous a offert ce morceau. Enfin, ces morceaux. Nicolas, une explication s'impose, s'il te plaît, parce que là, tu nous as fait passer de Jean-Sébastien Bach à Michel et Michel. Exact. C'était la magie de la préparation, donc sur le thème de la loose, hein, ce memento, je le rappelle. Et pour m'aider un petit peu, je recherche sur cet outil qu'on appelle l'Internet les plus gros bids musicaux, les plus gros échecs musicaux. Il y en a un qui datait de 2010. Je me dis, tiens, intéressant, c'est récent, on va voir ce que c'est. Et c'était ce bon vieux Michel Sardou qui avait réinterprété son tube des années 80, Être une femme, en version 2010, avec sa vision des choses qui lui est propre. On sent vraiment qu'il est convaincu de ce qu'il dit et qu'on n'a pas l'impression qu'il veuille dire de bêtises, mais il y a des choses imprimées en lui qui font que ce qu'il dit sont en fait des bêtises. Il est un peu totalement à côté, quoi. Il est un peu à côté de la plaque. Il suffit de regarder le clip de ce titre, Est une femme, entre parenthèses, 2010, pour se rendre compte que son approche de la vision des femmes actuellement, on n'est pas la bonne, vu qu'il y a énormément de finus, des plans inutiles de femmes dans une douche, ce genre de choses. Donc on sent qu'il est un petit peu à côté de la plaque pour illustrer ce thème de la loose. Et en parallèle, en faisant mes recherches, je cherchais du côté de Hold the Love, des chansons un petit peu second degré sur la loose et ce genre de choses. Et je suis tombé sur ce titre, C'est Michel. Du coup, ni une ni deux, mon cerveau se met en éruption tel Jimmy Neutron. Et bah voilà, le petit montage, on est né avec un extrait d'une interview sur, si pas France Inter, je c'était Europe 1 ou RTL. Ouais. Où il se dit dégoûté de cette nouvelle génération. Et de, voilà, il écrasait des trottinettes et pour lui, c'est la fin du monde. Donc voilà, un Michel qui a du mal à évoluer, qui a du mal à vivre avec son temps. Qui, en même temps, on ne peut plus rouler vite. Hein, donc En même temps, on ne peut plus. Voilà. Il pouvait baiser, il pouvait boire, il pouvait fumer. Exactement. Faire Paris-Marseille en 6 heures, quand même, c'était la belle vie. Voilà. Bon, c'était, voilà, j'ai trouvé ça drôle. Drôle et pas drôle en même temps, mais voilà, c'est la loose. Bien joué, bien joué. Tim, on reste quelque part dans un classique un peu de la chanson française, je dirais. C'est possible. En fait, moi, je vais vous parler d'un morceau que vous connaissez peut-être. C'est même fort probable. Et en fait, j'ai choisi ce morceau parce que je l'aime énormément. J'avoue qu'il me met les larmes aux yeux. True Story. Et en fait, c'est un morceau qui est vraiment sur la loose, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est sur papier la définition même de la réussite, quelqu'un qui a une femme dans chaque port, qui voyage en jet privé, qui a je ne sais pas combien de secrétaires, qui se fait des millions. Et en fait, ce mec-là, lorsqu'on lui demande s'il est heureux, il dit que pas du tout, parce qu'en fait, lui, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Il n'avait pas du tout prévu d'être un businessman. Ce mec-là avait d'autres plans. Et en fait, donc voilà, c'est un petit peu ce contre-exemple. Donc ce mec qui a tout pour réussir et qui en fait est malheureux. À en crever, un titre de Claude Dubois, donc ça ne vous dit peut-être toujours rien, mais je vous laisse écouter cette reprise par Disque Chic de ce classique, et je pense que mes mots vont s'illustrer, et j'espère que vous aimerez cette reprise autant que moi. Dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut. Pas ce j'aurais voulu être un artiste.